Des sons. mes émotions. Thank you. You will be there behind. You will be there behind. You will be there. You will be there. Keep moving. Oh, you will be. I follow you. Go ahead. Trouble water. Ou bleu. Ou blanc. Ou jaune. Thank you. over the rainbow, over what I need. What I need is over. Thank you.

les rois, à qui même les rois ne peuvent donner loi. Assure-toi, Vinéus, à qui même les rois ne peuvent donner loi. Car je ne commis jamais fraude ni maléfice. Je ne doutais jamais du point de notre foi.